fais pas de compromis. Mon humeur ténèbre. Si j'ai si sombre, allez vous plaindre aux pompes funèbres. Opération funèbre, rame dans mon train de vie. Mélancolique, j'perds un frère, on me dit qu'faut survivre. Ambiance aigre, mécontent de cette période. Assis dans la pègre, un casse-tête me chauffe comme pute nègre. Caractère invraisemblable, personne fait semblant. J'ai plus quoi faire comme un noir au milieu de semblant. J'glisse pas dans la pente, mes vers baissent quand ils chantent, mes vers hantent. Mais mec, j'me force, tu crois que j'plaisante. Insoutenable sur un fond de guerre sainte. Avant que la terre et les yeux me ferment la gueule de tous ces messieurs. Un vers et plus dans ton testament. Désolé si j'parle de mort, mais c'est que le bien n'est plus dans mon amour. Yo, yo, patch. Minal, Minal. Matrix, technique, électrique comme un taser. Ma bite, tragique, dramatique, car j'baisse ta sœur. Le seum prend forme, mes rivaux veulent me plomber. Comme dans un film, si j'm'en sors, c'est que j'ai un plan B. Le mic, c'est mon gun, mes lyrics, elles viennent t'abattre. 92 boigneux, c'est la bonne drogue qui te rabatte. J'ignore la galanterie, donc j'm'en nique hommes et femmes. Bellec aux âmes sensibles, mon rap, c'est pas l'école des fans. Répréhensif, lyricalement parlant. On me dit que j'suis un bâtard, mon nom de famille, c'est l'insolent. Du sang dans la bassine, j'crois bien que l'ambiance est nazelle. Pas grave si t'es aveugle, rien n'éclaire d'ici au gaz. Pas d'affection, j'm'en bats les couilles de tes problèmes. Chez nous y'a pas de canard, c'est pour piner qu'on dit je t'aime. Habitué à gagner, sur l'écran j'vois pas de game over. Passe-moi un mic, un big et dans le son j'suis MacGyver. J'excelle, j'aime les boules moulées dans un diesel. J'extermine les poules mouillées, c'est le dessert. Le désert, les MC, désert c'est le jazz hein. Quand j'ai le mic, je les baise, ils se taisent hein. Le flow du serpent, je m'en sers tant sur certains. J'ai le flow et la face déconcertante, c'est certain. En live, en concert sans, c'est die quand ça descend. Crime, criminel, triste, flamme. Ma condescente, c'est le 25 décembre, ça crame sans essence. Technique, lyricale, je veux pas, j'ai chant. Mille au millimètre, rime à des kilomètres, prime. Pour calculer mes faces, faut pratiquer géométrie électrique, tactique. Moi, je suis éclectique, tu trembles, t'es chelou, tu tapes des crises d'épilepsie. Mon pipi, les MC, le boire comme du Pepsi. Si, si t'es moche, connais un chirurgien au Mexique. Mon rap de la Mexime, souvent peu agressif. Mais quand je suis dans un poche, fais péfli, toute la tessie. Pressif ou MC, pourquoi tu t'excites? Ah si, j'ai vu ton stream. Hey. La plus sexy. J'écrase les mégots, pile les go. Porte ma vie sur mon dos. Sub dans du holster, passe pas au détecteur de métaux. C'est là d'où je viens, négro. Rhinocéros écrase les rumeurs et ses échos. Moi je calcule personne, sur moi c'est toi qui t'es entêté. Traîne pas dans mes pas, tu bats ta mère, j't'ai pas l'été. Alerté, j'suis pas un harki, j'ai pas déserté. Le rap est plein de buts, comme ta race, c'est la puberté. Sub dans du holster, c'est pas pour les choristes là. Sub dans du holster, c'est pas pour les choristes là. Sub dans du holster, c'est pas pour les choristes là. Sub dans du holster. Terre est en mode terroriste là. J'suis en mode terroriste quoi.